Ok, yo, c'est AZ, L, ça continue, ok, yo, ok, oh. Pas besoin de faire un massacre pour faire mieux que toi. Et tous ces bouts de ce move pique. Compare ma bouche avec un silencieux. La meilleure des consignes c'est de parler peu. Que des couplets incisifs et judicieux. Qui ferme la bouche à tous ces licencieux. Qui passe du fou rire aux larmes aux yeux. C'est le jeune vétéran qui respecte ses vieux. Qui chaque jour bétonne ses parapeux. Vu que le monde du visible est malassieux. T'as tellement de fitna, de poudre aux yeux. Que des fois je m'oblige le couvre-feu. Marre de leur délire sans technique. Malgré leur sortilège trop pernicieux. Je reste aguerri et consciencieux. Sur le but de ma vie et mes côtés bad. Faut juste que je chope le bon réglage. Le juste milieu, le bon dosage. Dis bien ce milieu, je suis indressable. Crois pas stopper mon homophonie. J'suis tellement loin que je laisse mon chat possible. Y'a qu'un seul créateur que je magnifie. Quand je prends ce micro, y'a pas d'amnestie. Avec la dev, la radio et l'industrie. La loi de Guesso et tous ces ploucs du crif. L'ensemble des fachos et le candy bliss. Oh.